Les soirs d'été, quand ils avaient marché longtemps par les chemins pierreux au bord des vignes, ou sur la grande route, en pleine campagne, et que les blés ondulaient au soleil, tandis que les senteurs d'angélique passaient dans l'air, une sorte d'étouffement les prenait, et les étendait sur le dos, étourdis, enivrés. Les autres, en manche de chemise, jouaient au bar ou faisaient partir des cerfs-volants. Le pion les appelait. On s'en revenait, en suivant les jardins que traversaient de petits ruisseaux, puis les boulevards ombragés par les vieux murs. Les rues désertes sonnaient sous leurs pas. La grille s'ouvrait, on remontait l'escalier. Ils étaient tristes, comme après de grandes débauches. Monsieur le censeur prétendait qu'ils s'exaltaient mutuellement. Cependant, si Frédéric travailla dans les hautes classes, ce fut par les exhortations de son ami. Et, aux vacances de 1837, il l'emmena chez sa mère. Le jeune homme déplut à Madame Moreau. Il mangea extraordinairement, il refusa d'assister le dimanche aux offices, il tenait des discours républicains. Enfin, elle crut savoir qu'il avait conduit son fils dans des lieux déshonnêtes. On surveilla leurs relations. Ils ne s'en aimèrent que davantage. Et les adieux furent pénibles quand Deslauriers, l'année suivante, partit du collège pour étudier le droit à Paris. Frédéric comptait bien y rejoindre. Ils ne s'étaient pas vus depuis 2 ans. Et, leurs embrassades étant finies, ils allèrent sur les ponts afin de causer plus à l'aise. Le capitaine, qui tenait maintenant un billard à Villenox, s'était fâché rouge lorsque son fils avait réclamé ses comptes de tutelle, et même lui avait coupé les vivres, tout net. Mais, comme il voulait concourir plus tard pour une chaire de professeur à l'école et qu'il n'avait pas d'argent, Deslauriers acceptait à Troyes une place de maître clerc chez un avoué. À fort de privation, il économiserait 4 000 francs. Et, s'il ne devait rien toucher de la succession maternelle, il aurait toujours de quoi travailler librement pendant 3 années en attendant une position. Il fallait donc abandonner leur vieux projet de vivre ensemble dans la capitale, pour le présent du moins.